Play, QSM et In. QSM et In. QSM te latte et après il sort sa pine. Comme David Carradine. QSM est chaud, QSM te mâche. Il te rabâche. QSM est moche, pourtant QSM crache. Et te clash. QSM a le look coco et il te casse les doigts. T'as le look coco. Il te fait direct cocu, même si t'es Balboa. Tu parles pour avec pas la Dakota. QSM à l'école ne manquait jamais donc. Ne manquait jamais donc. La carte de France sur la toise était des plus vivantes. Des plus vivantes. QSM écoutait, répondait à maîtresse. Et la maîtresse. Et pute. Et quand elle les grondait, lui battait les fesses. Attends, bout de cul, toi. QSM prend du poids pendant son sommeil. Pourtant, qu'est-ce qu'il peut dégager? Il produit de la semence et souvent ça le réveille. Oh, je t'aime. QSM est une bête, QSM est en rut. QSM te défonce à grands coups du percute. QSM s'astique ou va se faire des pattes avec son pit. Je pensais vraiment pas que je fabriquais du fromage. QSM aime le sexe, c'est le petit déjeuner. À quatre pattes d'Américorée. Avec quelques cornflakes, c'est légèrement beurré. QSM à l'école ne manquait jamais d'encre. Ne manquait jamais d'encre. La carte de France sur l'ardoise était des plus vivants. Tu essaies mes colliers, répondait à la maîtresse. Et toi c'est pote quoi. Quand elle les grondait, lui battait les fesses. Non mais t'as vu son cul, j'ai la berlue. Tu essaies se sent prêt à déglinguer un arbre. Si c'est lui qui a cherché ou s'il est trop affable. Non mais tu me provoques. Tu essaies le matin est encore pire que le soir. C'est un usage putain que se destine leur bavoir. Spamate s'en amuse, c'est comme ça qu'il les aime. Faux fût de testostérone avec une pointe d'œstrogène.